Elle t'a dit qu'elle t'aimait, tu la croyais pas. Elle se sentait bien seulement dans tes bras. Chez toi, tu la voulais que dans tes draps. Elle te donnait rendez-vous, tu venais pas. Elle devient ta femme, toi, tu voulais pas. Et dans quelques mois, tu le regretteras. Elle t'a dit, tu me délaisses pour une autre de tes affaires. Quand tu la vois comme un plan, tu veux pas faire ta vie avec. Attiré par une diablesse, tu la vois comme une déesse. Tu ne te rends pas compte encore que t'as choisi la mauvaise. Mais tu sais, tout se fait quand tu la verras avec un autre. Il sera trop tard. Tu vas t'en mordre les doigts quand t'auras compris qu'il sera trop tard. Je retourne faire mes lovés. On m'a dit que c'est trop tard. Je suis qu'un bâtard. Je retourne faire mes lovés. Et pour toi je ne pourrai pas quitter la tête. Même si je sais que pour moi tu peux tuer. Chaque jour j'entends toutes ces voix dans ma tête. Là j'en me rends aveugle, je ne sais plus qui tu es. Elle pose sa tête sur mon épaule et soupir. Elle est pas sereine, elle sait que je vais fuir. Mon aide, ma maille. Je veux être belle. Je t'ai mis aujourd'hui. Tu me suis, je t'ai vu. Ne prends pas qu'il a la mal. L'amour ne remplira pas mon assiette. Solo depuis moi. Je compte sur mes coquenesses pour faire mes lèvres. Quand t'es en bas, les gens s'enfoncent. Je me relève, je suis pour ce point de mes heures. Vive un fou que tu captes. C'est la misère qui me pousse à l'acte. Mon avenir, je suis acteur. Smile et des figues, elle vendre. Je retourne faire mes lovés. On m'a dit que c'est trop tard. Je suis qu'un bâtard. Je retourne faire mes lovés. Et pour toi, je ne pourrai pas quitter la tête. Même si je sais que pour moi, tu peux tuer. Chaque jour, j'entends toutes ces voix dans ma tête. Là, j'en me rends avec. Je ne sais plus qui tu es. حبك غالي عندي بصح ماشي اكتر من جيبي تعرف فيني بيبتي حبك غالي عندي بصح ماشي اكتر من جيبي تعرف فيني بيبتي حبك غالي عندي بصح ماشي اكتر من جيبي تعرف فيني بيبتي حبك غالي عندي بصح ماشي اكتر من جيبي Je retourne faire mes lovés. On m'a dit que c'est trop tard. Je suis qu'un bâtard. Je retourne faire mes lovés. Et pour toi je ne pourrai pas quitter la tête. Même si je sais que pour moi tu peux tuer. Chaque jour j'entends toutes ces voix dans ma tête. Là j'en me rends avec. Je ne sais plus qui tu es. Je retourne faire mes lovés. Je retourne faire mes lovés.